Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour et bienvenue sur Fréquence Protestante dans ce cinquième épisode de La Mécanique des Ondes. Le concept de l'émission, je vous le rappelle, et je vous le rappellerai toujours, c'est de donner la parole aux grands acteurs de la bande FM. Qui sont-ils? Comment ont-ils commencé la radio? Et quelle est leur vision du média? Aujourd'hui, je reçois Manu Lévy, le matinalier le plus écouté de la bande FM qui sévit tous les jours de 6h à 9h sur Énergie. Bonjour Manu Lévy. Mais bonjour madame. Eh bien, enchanté de vous recevoir dans ce studio. Mais moi aussi, je suis enchanté, je suis très bien, je suis content, je suis heureux, je suis là. Voilà, alors, je bouge plus. Et justement, vous êtes au micro d'une radio associative, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Mais je suis déjà venu ici en fait. Alors, pas dans ces locaux-là, mais quand j'étais petit à Paris, j'écumais toutes les radios en fait. Quand j'étais ado, j'appelais des radios en leur disant « Est-ce que je peux venir vous voir? J'aimerais faire de la radio plus tard. Est-ce que je peux venir? Comment ça se passe ?» Je les ai toutes faites, globalement, y compris Fréquence Protestante. Et voilà, et j'étais venu et j'étais copain avec un mec qui faisait de la réalisation. Et il m'avait dit ensuite bah, « Viens quand tu veux. » Et voilà. Et j'étais venu, mais à l'époque, c'était pas ici. Et donc, j'ai passé quelques jours. Donc voilà, donc, je suis un peu chez moi ici. En voilà. Effet. Donc, je vais rester là, je vais dormir, je vais être bien. À quel âge vous aviez quand vous êtes passé? Pourquoi vous avez un extrait? Non, on n'a pas de dossier. Non, j'avais, je sais pas, je devais avoir 14 ans, ouais, 13, 14 ans. Un truc comme ça, entre 12 et 14 ans, je pense. Et je me souviens d'une émission, il y avait Fabrice Lucchini. C'est possible. Qui était invité. C'est possible. Tout le monde s'en souvient. Bien sûr. Bah alors, évidemment. Alors, ça veut dire que dès 13-14 ans, il y avait déjà la passion de la radio. Ah mais dès 7 ans. D'accord. Parce qu'en fait, sur le ma passion de la radio est venue, je pense, de mon chemin entre chez moi et l'école. C'était le début des radios libres. Et il y avait une radio qui était là, qui était rue Boileau d'ailleurs. C'est marrant, c'est à côté de l'Énergie maintenant. Et je passais devant et c'était il y avait une grande baie vitrée et en fait ça donnait sur le studio. Et le matin en allant à l'école, je pouvais rester des fois pendant un quart d'heure, 20 minutes et sur le retour pareil. Et je regardais, ça me fascinait. Et voilà. Et j'ai dit oh c'est génial, c'est vachement bien, etc. Et puis un jour ils m'ont ouvert la porte et j'ai pu regarder, j'ai pu être avec eux et tout et j'ai dit ça c'est pour moi. Et alors justement dans cette radio, quel était le nom de cette radio? J'ai pas fini. Ce à quoi mes parents ont répondu ta gueule passe le bac. Ah, maintenant voilà. J'ai fini. Voilà, d'accord. D'accord. Donc quel était le nom de cette fameuse radio rue Boileau? Alors elle s'appelait Génération 2000 et en même temps Digital. Enfin il y avait deux, voilà, c'était deux radios comme ça. C'était vraiment le début, c'était des radios, voilà, c'est le début de la radio libre quoi. Et alors vous avez fait quoi dans cette radio? Vous êtes resté, vous avez observé, vous avez fait? Ah ben, j'étais la petite personne qui était derrière tout le monde et qui regardait par-dessus les épaules et qui emmerdait les gens en fait, globalement, en disant qu'est-ce que tu fais, c'est comment, etc. Et puis voilà. Et après, ben, je venais régulièrement. Et combien de temps vous êtes resté du coup dans cette radio? Pendant 25 ans, enfermé. Et non, je suis resté, je sais pas, quand j'étais petit en fait, j'y allais de temps en temps comme ça, c'était sur le chemin de l'école, je restais 10 minutes à chaque fois parce que mes parents m'attendaient. Donc ça a duré ouais, 2-3 ans comme ça. Mais alors par contre, il a fallu quand même faire des études après. Ouais. Et alors vous avez fait quoi? Comme études? Ouais. Oh, je m'en souviens plus. Vous avez passé votre bac quand même? Oui, j'ai passé mon bac. Ensuite, j'ai fait un an de fac déco totalement raté. Parce qu'en fait, on allait jusqu'à la fac et on restait au bar. Et on n'avait pas bien compris qu'il fallait assister aux cours. Donc c'est ça le concept, pas hein. Ensuite, j'ai fait l'ESRA, c'est une école de réalisation audiovisuelle. Et en même temps, en fait, j'ai commencé la radio, quoi. D'accord. Et puis voilà, après, la radio a pris le pas sur les études. Donc quand même un bagage technique à la base. Un bagage technique, ouais. Enfin, par rapport à l'ESRA, c'est oui, ça ouais. J'ai pas tellement appris en fait en technique à l'ESRA. C'est une école de cinéma, en fait, surtout l'ESRA. Et donc, j'ai plus appris des choses sur le cinéma, sur la réalisation, etc., que j'ai pas du tout envie de faire, mais qui était intéressante. Donc j'ai plus eu de la culture générale cinéma qu'autre chose. Techniquement, j'apprenais plus en restant la nuit à la radio, en fait. D'accord. Donc justement, après cette école, qu'est-ce que vous avez fait? Après l'ESRA? Ouais. Et bien après l'ESRA, en même temps, en fait, simultanément, j'ai commencé la radio. Sur la troisième année de l'ESRA, je crois, j'ai commencé avec Arthur le matin, sur Fun Radio. Et puis après, j'ai continué avec Arthur et puis j'ai arrêté les études. Alors justement, cette rencontre avec Arthur, elle se passe comment? Bien. Bien, c'est douloureux au début, puis après on s'y habitue. Vous êtes dit bonjour? Non, on s'est jamais dit bonjour. Ah d'accord. Si, ça s'est bien passé. À l'époque, je faisais les nuits du week-end. J'étais très très mauvais. Mais j'animais les nuits du week-end sur Fun Radio. Et en septembre, Arthur est arrivé. Il fallait quelqu'un pour réaliser son émission. À l'époque, la personne, faut suivre, hein, attention, la personne qui réalisait l'émission matinale avant Arthur voulait faire de l'animation. Moi, je connaissais Arthur parce que je l'avais écouté à l'époque, il était sur Skyrock, et je lui disais, j'aimerais bien réaliser son émission. Donc du coup, avec la personne, on a switché. Lui est venu animer les nuits du week-end, et moi, j'ai réalisé Arthur. Et voilà, voilà comment c'est connu. D'accord. Et donc ensuite, à Fun, avec Arthur, ça se passe comment? Ben plutôt bien, encore une fois. Sérieux, c'est... Ben, on est resté quand même 15 ans quasiment à travailler ensemble, il fallait bien que ça se passe. Ça s'est très bien passé, c'est lui qui a commencé à me faire parler en fait. À l'antenne, au départ, je donnais les scores des jeux. J'étais très, très heureux de le faire. J'étais le meilleur donneur de scores en Europe. J'ai eu plusieurs fois le titre. Ouais. On a avancé comme ça. Et au fur et à mesure, il m'a fait de plus en plus parler, plus en plus parler. Ensuite, on est parti sur Europe 1, où là, vraiment, je me suis épanoui. Et j'ai commencé à vraiment bien m'amuser. Et puis voilà. Après, ça a été 15 ans de radio ensemble. Et ensuite, toujours avec Arthur, Skyrock, puis retour à Europe 1. Alors, Sky, c'était pas avec Arthur. Je suis parti en fait. On a fait 2 ans Europe 1, je crois, ou 3 ans, je sais plus. J'ai fait 1 an Sky. Ensuite, je suis revenu un petit peu à Europe 1. Ensuite, on a fait Europe 2, je crois. Oui. La matinale d'Europe 2. On a fait 4 ans. Ensuite, on est reparti sur Fun. Ensuite, non, on a arrêté pendant 1 an. Quand j'étais à Comédie. Il y a encore des gens qui écoutent parce que moi, je me saoule. Hein, non, mais quand, quand on regarde votre biographie, c'est un ping-pong incessant, en fait. Vous avez bougé de radio en radio. Pas mal, ouais. Et comment ça se fait? Vous avez, vous avez répondu à des directeurs d'antenne qui vous appelaient sur telle ou telle radio. Vous avez suivi Arthur. Comment ça s'est déroulé, tout ça? Bah, sur 15 ans, globalement, j'ai suivi Arthur. À chaque fois, c'est, tiens, j'ai une proposition là. Ouais, allons-y, pourquoi pas. Donc, j'étais suiveur. Ça m'amusait. Allons, on peut s'amuser? Ouais, ok, bah, je viens alors. Ouais, donc voilà, ça s'est passé comme ça. Après, j'ai arrêté de travailler avec Arthur. Et puis là, il y a à ce moment-là Nagui qui m'a appelé pour me faire une proposition, pour me proposer de bosser avec lui. Et puis voilà, en fait, là, on a bossé ensemble. Ensuite, après, Fun m'a rappelé une troisième fois, j'y suis retourné. Ensuite, Energy m'a appelé, qui était le même directeur des programmes d'ailleurs qu'à l'époque Fun, c'est Morgan Serrano. Et puis voilà, comment ça s'est passé. Après, c'est les nouveaux défis, c'est les nouveaux challenges, c'est des nouvelles choses à faire. J'adore, en fait. Si à un moment, je sens que je m'ennuie ou je sens que je peux pas aller plus loin, bah, j'essaie de faire autre chose. Toujours numéro 2, quand même. Alors, soit à côté d'Arthur, soit à côté de Nagui. Il y a forcément un moment où vous vous êtes dit, il faudrait que je sois numéro 1, ou à chaque fois, voilà, ça vous plaisait d'être le trublion, entre guillemets, d'un animateur. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Pendant 15 ans avec Arthur, j'avais pas de problème d'ego, j'ai pas d'envie en fait, pas vraiment d'envie de faire mon truc. Et puis c'était bien comme ça. Je m'amusais, vous amusez, voilà, vraiment. Voilà. Ensuite avec Nagui, ça a été un peu différent. J'étais plus dans la préparation, plus plus présent à l'antenne aussi. Et puis ensuite, après le départ pour Fun là en leader, c'est vraiment Morgane qui m'a poussé, qui m'a dit allez vas-y maintenant. Tu peux le faire, allons-y. Donc j'ai beaucoup de doutes. Est-ce que tu penses vraiment que je peux le faire? Je sais pas. Est-ce que ça peut être marrant? Et puis voilà. Puis ça a été dur au début. Hein. Et sur là, j'étais vraiment pas bon au début sur Fun. Quoi. On a eu 2-3 sondages. On s'est dit, t'inquiète pas, t'as pas à me virer. C'est moi qui vais partir parce que ça marchait pas. Puis après, ça a commencé à prendre. Et puis voilà, en bossant, en travaillant. Et en fait, je reviendrai ensuite sur Fun Radio. Reviens sur ce que tu veux. Et sur Energy. Ce besoin de micro, il a toujours été là? Ce besoin de faire de la radio, ouais. Mais depuis que je suis vraiment tout petit. Quand j'étais petit dans ma chambre, je faisais de la radio tout seul, donc pour moi et mon frère. Enfin, mon frère me posait les problèmes pour mes émissions que je faisais pour les murs, en fait, hein, puisqu'il rentrait des fois dans la chambre, donc j'étais obligé de dire aux auditeurs qui n'étaient pas là que mon frère venait de rentrer dans le studio, donc c'était compliqué. Il fallait bien nous excuser. Donc j'étais là avec mes disques et un micro. J'avais une cuillère avec de l'aluminium pour faire le micro. Et je pensais vraiment que ça passait quelque part. Et puis voilà. Donc j'ai toujours eu vraiment cette envie-là. Et je suis fasciné en fait par les studios. Quand je pars à l'étranger, j'essaie toujours de voir au moins une radio, d'aller rencontrer les gens. J'adore ça. Et jamais en une envie, soit plus technique, soit. Enfin. Mais toujours... je fais les deux. C'est pour ça que vraiment, j'adore la radio. J'ai tout fait en radio. J'ai commencé, je faisais du standard, je sais faire du câblage, je sais faire de la production, je sais réaliser. Voilà, j'ai tout fait et tout me plaît. J'ai un studio d'enregistrement aussi que j'ai monté parce que j'adore ça aussi. Donc voilà, j'adore tout l'univers de la radio, vraiment. On va parler un petit peu avant la pause musicale de votre passage à Comédie. À un moment, vous partez en télé. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on me l'a proposé. C'était après... Que je dise pas de conneries. C'était après Europe 2, où, donc avec Arthur, on avait fait la matinale. Il y avait toute une bande comme ça d'humoristes, de comédiens. Comédie cherchait à faire une nouvelle version de la grosse émission. Et puis, ils ont proposé à la bande, à toute cette bande-là, avec Arthur, enfin sans Arthur, mais toute la bande qui était autour d'Arthur, est-ce que ça vous dit de venir faire une émission de télé ? On a tous dit oui. Et puis voilà, on est parti là-dedans, dans une aventure totalement... Enfin, nouvelle pour nous, vraiment, on n'y connaissait rien. Et pendant un an après, on n'y connaissait toujours rien, mais on savait qu'on avait fait de la télé pendant un an. Et c'était vraiment super drôle, quoi. C'était à l'arrache, il y avait plus de stagiaires, je pense, que de gens payés. Donc c'était... Voilà. On testait tout ce qu'on voulait. C'était une énorme cour de récréation, comédie. C'était vraiment drôle. Et vous, la différence du média, hein, généralement, quand on vient de la radio, la télévision, maintenant, on sent que les deux médias sont un petit peu en concurrence. Et quand on fait de la radio, on ne fait pas forcément de télévision. C'est quand même une autre ambiance. Et vous, ça ne vous a pas du tout fait peur ? Mais non, mais comédie, ce n'était pas de la télévision. Hein. Non, mais c'est... Franchement, c'était un... C'était juste qu'il y avait des caméras et des gens qui s'amusaient. Voilà. Mais vraiment, on pensait même pas aux gens qui regardaient. On se marrait, on savait qu'il y avait du public qui venait, mais c'était tellement... Il n'y avait pas beaucoup de gens qui regardaient non plus, quoi. C'était vraiment une grande cour de récréation. On testait tout. Mais 3 secondes avant l'antenne, on se disait, tiens, si on fait ça. Et on le faisait. Donc c'était vraiment freestyle. Ouais, et vous avez appris quoi, alors, là-bas ? J'ai appris qu'on pouvait se marrer à la télé. Ce qui est déjà pas mal, quand même. Parce que globalement, il y a souvent les gens qui font de la télé qui disent la radio c'est extraordinaire parce qu'on fait ce qu'on veut, ce qui est vrai. Mais là-bas, j'avoue que je me suis marré comme à la radio, quoi. D'accord. Et voilà. Ok. On va lancer la pause musicale. Alors, vous avez choisi un titre qui date un peu quand même, ouais. Mais qui rappelle pas mal de choses. C'est le principe des titres qui datent. Voilà. Parce que les titres nouveaux, ça rappelle pas grand-chose. Ouais, c'est vrai. C'est vrai dans un sens. Alors, c'est Nickelback, How You Rain. Wow. How? Tu sais quoi, on va dire Nickelback. Ouais, Nickelback, pour moi à l'époque c'était le Jésus qui chantait. Exactement, non, mais il continue à chanter, il va sortir un 8e album bientôt, j'ai suivi depuis. Et alors ? Et pourquoi ce choix ? Parce que j'adore ce titre. D'accord, ok. Ah ouais, je trouve qu'il est top. Bon bah écoutons-le. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling, and this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Never made it as a wise man. I couldn't. cut it as a poor man stealing, and this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. De retour dans la mécanique des ondes sur fréquence protestante, on vient d'écouter, je vais arriver à le dire, Nickelback, How You Remind Me. C'était très bien, c'est du très très bon allemand. Oui, c'est vrai. Alors, on est toujours avec Benu Lévy, le matinalier le plus écouté de France. Il fait tous les jours 6h, 9h sur Énergie. C'est extrêmement tôt hein, quand même, mais on en reparlera après. Parce que en 1997, vous lancez Grelot Productions. Oui. Qui est donc une société de production audiovisuelle. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'adore tout dans la radio. Parler à la radio, faire de la production, réaliser, voilà. Vraiment, je suis passionné de tout cet univers. Et la production et la réalisation, ça en fait partie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de monter mon studio, parce que j'adore ça aussi. Donc c'est un studio d'enregistrement. On fait tout l'habillage de mes émissions, par exemple, là-bas. Mais je le fais moi vraiment aussi, c'est-à-dire que je mixe, etc. Parce que j'adore ça, tout simplement. Voilà, je fais des choses qui me plaisent. Enfin, j'essaye. C'est important dans la vie. Mais vous en faites également pour d'autres radios, du coup, des habillages. Ouais, bien sûr, on fait de l'habillage pour d'autres radios. On fait ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire du son pour de l'image. On fait des pubs, on fait... Enfin voilà, ça va du répondeur à de la musique, quoi. Donc c'est super large. Et dans un sens, c'est peut-être une question un peu indiscrète, mais si un jour la radio s'arrête, vous aurez toujours ce fil rouge de société audiovisuelle et pouvoir faire ce que vous aimez finalement. Ouais, absolument. J'espère que la radio va pas s'arrêter tout de suite. Non, mais c'est ça. Mais si la radio s'arrête, à un moment quand j'avais arrêté la radio après Europe 2 avec Arthur et avant que Nagui m'appelle. En fait, j'étais parti dans plein d'autres trucs parce que j'ai plein de trucs en tête que j'ai envie de faire, dont de la musique, par exemple. Et on n'a pas tout le temps... la vie fait que il y a 3 cases et on a envie de les remplir avec 15 cubes et qu'on n'a pas tout le temps de place pour les cubes. Donc là, hop, je me dis, j'ai du temps, je vais faire ça. Donc si j'arrête la radio, j'ai plein, vraiment beaucoup, beaucoup de choses que j'ai envie de faire, quoi. En 2011, Énergie vous appelle. Don du cheval. Excusez-moi, il fallait que je la sorte. D'accord. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de cheval. D'accord. Énergie vous appelle. Qui vous appelle à Énergie ? Morgan Serrano, qui est le directeur des programmes d'Énergie. Que vous connaissez depuis longtemps ? Exactement. Puisque je le connaissais depuis Fun Radio, depuis même très très longtemps à Fun Radio, puisqu'il était animateur à Fun Radio en 2000 quand on bossait avec Arthur. C'est lui ensuite qui m'a fait venir à Fun Radio après avoir travaillé avec Nagui. Ensuite, lui est parti, pendant que j'étais à Fun Radio, il est parti à Énergie. Et un an après, il m'a dit, est-ce que ça te dit de tenter l'aventure à Énergie ? Au départ, j'étais hyper dubitatif sur moi, ma capacité à animer une émission sur Énergie. Parce que je me sentais totalement décalé. Et ce que je lui ai dit, je lui ai dit, mais je suis pas sûr de pouvoir réunir beaucoup de gens le matin, avec ce que je fais, avec mon univers, avec ce qui me fait marrer, avec ce qu'on fait. Ça me semble assez compliqué sur Énergie, quoi. Je risque de te carboniser ton antenne. Vraiment. Et puis, il m'a convaincu. J'ai fait, bon, allons-y. Marrons-nous. Je pouvais être pépère sur Fun parce que c'était vraiment... il voulait que je reste et que ça marchait bien. Et que, justement, on talonnait Énergie à ce moment-là. Donc, c'était pour moi, la solution de facilité, c'était vraiment de rester à Fun. Puis, je me suis dit, allez. On va tenter. Je suis Morgane. On y va. Rigolo. Et on verra bien. D'accord. Et donc, du coup, vous lancez votre concept, votre matinale sur Énergie. Quelle a été votre première impression au micro ? Vous étiez impressionné sur cette antenne ? Eh bien, pas tellement. parce que en fait je me faisais pas une montagne d'énergie. C'est pour le coup, c'est vraiment pas une radio sur laquelle je m'imaginais un jour travailler. C'est vraiment, je m'imaginais plus voilà, travailler sur les outsiders, les radios derrière qui donnent des petits coups de pied au cul au premier pour dire hey, on est là, puis attaquer sur les côtés quoi. C'est ça qui me globalement qui me faisait toujours marrer, c'est pas faire la même chose que celui qui est premier. Et donc c'est toujours plus marrant d'être derrière que d'être le premier en fait, où on se dit bon, maintenant on est le premier, qu'est-ce qu'on fait? Alors que quand on est derrière, bah on galope derrière, et je me suis retrouvé en fait bah le mec derrière qui les gens vont galoper. Et donc, ça m'a complètement changé. Et je ne sais plus quelle était la question au départ. moi non plus. Ah, très bien. Alors, parlons d'autre chose. On va parler de gastronomie. Je peux aussi. Quelle a été votre première impression au micro? Mais dans un sens, vous rentriez dans un confort, du coup. En fait, quand tu arrives sur Énergie, tu poses tes fesses. Le micro n'est pas allumé, tu es déjà premier. Non, oui, mais c'est vrai. Oui, oui, oui. Alors, ce n'était pas à l'époque la première radio de France, mais c'était quand même la première musicale. Les scores n'étaient pas super bons, même ils n'étaient pas bons pour Énergie il y a encore 5 ans avant que Morgane arrive. Donc la radio était en difficulté, mais ça restait quand même la première radio, même si les autres étaient vraiment très proches. Et puis voilà, donc t'arrives là, t'es premier, bon, puis t'y vas. Mais je l'ai pas senti cette pression, parce que tellement en fait, c'était pas un but pour moi d'être là. Effectivement, il y a des gens pour qui le but c'était... Je veux aller à Énergie, je veux arriver un jour dans cette radio. Pour moi, ça ne l'était pas, donc en fait, j'ai pris ça comme être sur une autre, n'importe quelle radio. Donc du coup, je n'avais pas de pression, donc ça ne m'a pas fait un truc, ça m'a fait un électrochoc de commencer à Énergie. Vous entamez cette année votre 4e saison, et si je ne dis pas de bêtises, mais c'est possible, vous n'avez jamais eu un sondage en baisse. Donc vous avez forcément... Tu ne dis pas de bêtises. Voilà. On se tutoie maintenant parce que je pense qu'on est intime. Ah bon, d'accord. Dans 2 minutes, on va okay. Boire un verre. Ouais, ouais. Et dans 9 mois, on aura un fils. Oh, quand même. Comme vous y allez, Manu, rapidement quand même. Ça fait que 21 minutes d'émission. On va se calmer. Le temps passe vite. Ouais, c'est vrai. Vous avez donc la recette pour un morning qui marche. S'il y avait une recette... Bon, je ne la donnerai pas. Mais je ne sais pas si j'ai la recette pour un morning qui marche. Mais alors, effectivement, on n'a jamais eu... de sondage qui baisse. Jamais, jamais, jamais en 3 ans. Donc, ça devient compliqué de plus en plus. Plus ça avance, plus ça devient compliqué de monter, évidemment. Après, la recette, ça a été de faire ce qu'on avait envie de faire. Vraiment, et de parler de... Un truc qui ne se faisait pas avant, effectivement, et maintenant, plus en plus, d'autres commencent à le faire, c'est en fait, on arrive et on parle de nous. Et on est vrai. C'est-à-dire qu'on est à l'antenne comme on est dans la vie. On n'a pas dormi de la nuit, bah on peut en parler pendant 3 heures sur bon alors, pas de façon très sérieuse parce que c'est pas notre truc et qu'on va vite s'emmerder, mais voilà des trucs du quotidien et c'est ça qui me plaît et c'est peut-être ça effectivement qui fonctionne parce que les gens se reconnaissent dans les sujets dont on parle tout simplement. Depuis que vous avez commencé à Énergie, est-ce que vous avez fait des ajustements, c'est-à-dire que il y a forcément eu des trucs au début où ça n'a pas marché ou comment vous avez ajusté pour arriver à ce résultat maintenant de matinale? C'est une bonne question. Comment on a ajusté ? Est-ce que les auditeurs, je pense qu'ils réagissent maintenant avec les réseaux sociaux 2 fois plus, hein, ouais. Mais je pense qu'ils réagissent quand il y a quelque chose qui ne leur plaît pas. C'est une bonne question. Est-ce que les auditeurs réagissent quand il y a quelque chose qui ne leur plaît pas ? Ils réagissent, mais ils ne vont pas forcément le dire. Ils vont aller changer de radio. Ah oui, ça c'est plus embêtant. C'est comme ça qu'un auditeur réagit, mais même comme nous on réagit. Si quelque chose ne nous plaît pas à la télé, on zappe. Ouais. Tout simplement. Donc c'est la réaction, elle est là, quoi. Et puis c'est direct. Ça se voit tout de suite sur les audiences. Si quelque chose ne marche pas, les gens ne vont pas forcément nous le dire, mais on s'en aperçoit très vite parce que l'audience est mauvaise. Donc voilà, après les ajustements qu'on a fait, c'est surtout essayer de se renouveler. Puisque ça marchait tout le temps, en fait. Donc on aurait pu s'arrêter dès le premier sondage en disant, bon bah ça marche, on bouge pas. Sauf que ce que j'essaye de faire tout le temps et ce que je dis tout le temps, c'est ne jamais tomber dans le. Une des phrases que je déteste, c'est bon, on est. Pas en roue libre, on est en... Ah, je ne trouve pas mes mots. Je ne partirai pas de ce studio tant que je n'aurai pas trouvé ce que je veux dire. D'accord. On est en rythme de croisière, voilà. Oui. Bah, tellement j'aime pas cette phrase que je la trouve plus. J'aime pas ça. Le côté, c'est bon, on a trouvé notre rythme de croisière. Je trouve pas ça bien. Ça veut dire que bah, c'est bon, il n'y a plus rien à faire, on n'a plus rien à créer, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Non, j'ai toujours envie de faire des nouveaux trucs, j'ai toujours envie qu'on avance ensemble, qu'on crée les nouvelles choses. 4e saison, donc je le disais tout à l'heure, l'avenir, il y aura combien de saisons à Énergie de Manu le matin? Aucune idée. J'avais signé la première fois pour 2 ans. j'ai re-signé pour 2 ans. Donc là, ça va être la deuxième année de ma re-signature. Et puis voilà. Après, pour la suite, j'en sais absolument rien. Je verrai ce dont j'ai envie. La mécanique des ondes. Une question rapide, une réponse rapide. Avec Manu Lévy, je pense que ça va être un peu difficile. Quelle radio vous réveille le matin et à quelle heure vous vous réveillez ? Alors, je ne me réveille pas avec la radio. Je me réveille avec un... Enfin, avec 2 d'ailleurs. J'ai 2 réveils. Et oui, mais tous ceux qui font la matinale vous le diront, il faut 2, 3, voire 4 réveils. Voir une personne qui vous appelle. À une époque, il y a quelqu'un qui m'appelait, je demandais à l'animateur la nuit de m'appeler. Si jamais j'étais pas là à telle heure, ça veut dire que je m'étais pas réveillé. Et donc, je me réveille pas avec la radio. Et puis après, comme je suis à moto, j'ai pas la radio. Donc, j'écoute pas la radio le matin. Et quand, de temps en temps, je suis en bagnole le matin, quand il pleut trop fort, je zappe un petit peu partout. J'écoute les potes. J'ai un pote qui s'appelle Patangeli qui fait 5h-6h sur RFM maintenant. Ils ont lancé ça. Je trouve ça pas bête, d'ailleurs, de faire un vrai... ce qu'on appelle un pré-morning, une vraie émission entre 5h et 6h. Donc voilà, je l'écoute en ce moment, il est sur RFM. J'écoute Énergie, parce qu'entre 5h et 6h, il y a aussi des rediffusions de l'émission de Coé et de la nôtre de la veille. Donc du coup, je vois un peu ce qu'a fait Coé le soir que j'ai pas entendu. Donc voilà, je zappe un peu partout, tranquillement, je me prends pas la tête. Quelle radio vous endort le soir ? Alors ça dépend. Une bonne radio pour s'endormir, à un moment c'était France Info. Et puis ils sont devenus trop dynamiques. Ça n'endort non, plus. Non, ça m'endort plus. Je suis pas très content. Donc je m'endors plus tellement avec la radio en fait maintenant. Au début ça m'endormait, puis en fait maintenant ça me tient éveillé. Donc c'est compliqué quand tu dois te lever trop. Un endroit où vous écoutez toujours la radio. Un endroit où j'écoute toujours la radio. C'est classique, c'est en bagnole. En voiture, j'écoute toujours la radio. Et un endroit où vous ne l'écoutez jamais. Mais pas forcément la radio en France d'ailleurs. Parce que maintenant, avec la 3G, il y a plein d'applications pour aller écouter la radio dans le monde. Et j'aime bien, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, j'adore la radio. Donc j'adore aller visiter des radios, voir des radios, discuter avec des gens de radio. Et puis écouter des radios dans le monde. Donc il y a plein d'applications aujourd'hui sur smartphone. Boum, on est en 3G dans la voiture, hop, et on peut écouter la radio. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? Un endroit où je ne l'écoute jamais. C'est une bonne question, ça. Vous avez 2-3 heures ? Ah, dans ma douche. Dans ma douche, effectivement, je n'écoute pas la radio. Parce que, en fait, j'entends pas. D'accord. C'est un peu con. Et donc, ça veut dire que vous l'écoutez aux toilettes. Est-ce que je l'écoute aux toilettes ? Si vraiment il y a un truc que je dois pas louper, ouais. D'accord. Votre meilleur souvenir de radio ? Mon meilleur souvenir. Alors, ça peut être à l'antenne ou hors antenne. Hein. J'ai tellement de trucs. J'ai fait tellement de choses. Il faut en choisir un. Peut-être. Alors, c'était en même temps à l'antenne et en même temps hors antenne. C'était avec Arthur, on avait fait une émission en direct du porte-avions Charles de Gaulle. Ce qui est totalement improbable. Et c'était une expérience de dingue, quoi. On s'est retrouvés là, on était à Djibouti. Et je ne sais... Voilà, c'était surréaliste. On faisait une émission de radio, là. On a vécu... Ouais, 24 heures sans dormir là-bas, c'était génial quoi. C'était une vraie expérience de vie pour le coup. Dingue. On était allé. Après, on nous avait fait visiter le porte-avions et tout comme dans les films. On avait l'impression qu'on était dans un film d'action et tout. C'était cool. Et votre pire souvenir ? Est-ce que j'ai des pires souvenirs ? J'ai pas des pires souvenirs. J'ai. Non, parce que j'ai. Enfin. Globalement, si je suis là aujourd'hui, si ce que je fais aujourd'hui en radio, si je fais ce que je fais aujourd'hui en radio, c'est aussi grâce à mon parcours. Donc voilà, on regrette toujours d'avoir fait des choses, mais j'ai pas de pire souvenir en radio. Un souvenir horrible où je me suis dit, bon sang, peut-être si, quand je faisais les nuits du week-end. Non, pardon, je sais. Je suis désolé, ça prend du temps, hein. On est jusqu'à 23h ou pas ? Oui. Si, peut-être un truc. Je réalisais Arthur en 91. Donc j'étais réalisateur. Et donc l'émission était en national. Et on avait un bouton où on pouvait faire en sorte que les micros passent uniquement sur Paris ou en national. Et donc des fois, on mettait que Paris parce qu'il y avait un moment où il fallait dire la fréquence de Paris, etc. Donc je mets le micro sur Paris. Ok, on parle sur Paris. et on continue l'émission, et j'ai oublié de rappuyer sur le national. C'est-à-dire que pendant je ne sais combien de minutes, tous les gens en France n'ont entendu que de la musique, que des blancs, enfin, tout sauf nous qui parlions. Voilà. Et je me rappelle que j'ai eu un coup de fil dans le studio, au bout d'un moment, du directeur de l'époque, qui m'a appelé, qui m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui ai dit « Je suis désolé, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai oublié de rebrancher les micros. » Il m'a dit « C'est la première et c'est la dernière fois. » Il a raccroché. Voilà, bon moment de solitude de radio où ma carrière aurait pu s'arrêter. Ça a été effectivement la dernière fois, du coup. Et voilà. D'accord. La dernière question, un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio. Je vais dire un truc que tout le monde doit dire, c'est-à-dire d'être persévérant, d'y croire et de faire vraiment ce que vous avez au fond de vous. De pas forcément écouter ce que les gens vont vous dire, les conseils qu'on va vous donner sur il faut plutôt aller là, il faut faites ce que vous avez envie de faire. Si vous êtes et puis surtout si vous êtes un vrai passionné. Et si vous l'êtes pas, c'est compliqué. C'est la passion qui tient. Ouais, mais parce que on ment pas à la radio. On ment beaucoup plus à la télé qu'à la radio. Mais à la radio, on peut pas mentir. Il y a un truc, je sais pas pourquoi. J'ai pas la raison. À la radio, on ne ment pas. Et je connais pas de gens de radio qui font ça pour. Parce qu'à la radio, on fait pas ça pour être connu. Il y a quand même beaucoup de gens qui font de la télé parce qu'ils ont besoin de reconnaissance, etc. À la radio, on peut faire 50 ans de radio sans que personne connaisse votre visage, quoi. Moins maintenant parce qu'il y a Internet, etc. Mais c'est pas. Les gens qui font ça, voilà, le font par passion parce qu'ils ont envie de le faire. Et qu'ils ont envie de créer des choses. Et voilà, si vous avez cette envie-là, allez-y, foncez, vous réussirez. Oh, c'est beau ça, Manu. Ouais, je sais, pour terminer l'émission. Moi-même, j'ai envie de me prendre dans les bras. Alors, en tout cas, avant de vous auto-prendre dans les bras. M'auto-câliner. Voilà, exactement. Cette émission, elle est terminée. Déjà ? Ben oui, elle est déjà terminée. Une demi-heure avec vous, ça passe tellement vite. Mais c'est vrai ? Je serais bien resté encore, 2-3 heures. Alors Manu, il faut quand même rappeler qu'on vous retrouve de 6h à 9h sur Énergie, donc tous les jours. Vous avez le droit de l'écouter sur le 100.3, c'est à côté du 100.7, c'est à côté de chez nous. Et puis en plus, on est voisins, on est copains de radio. Mais oui, on est voisins de Bande FM. Bah criez pas trop fort, on va vous entendre. Exactement. Oui, mais des fois, vous empiétez un peu chez nous. Ah, on a trop de puissance. Ouais. Je vais leur dire. Ok, merci, c'est sympa. Je suis désolé. Ah, du coup, on vous brouille. Ça arrive de temps en temps. Mais je vais gueuler. Plus. Je vais faire remonter ça très très haut, croyez-moi. Eh bien voilà, ça y est, le message est passé. Comme ça. Exactement. Merci beaucoup, Manu Lévy. Eh bien, je vous en prie, c'était cool. À bientôt.